soit comme des moutons qu'on obéisse deux par deux. Mais fuck un berger, l'homme ne peut être guidé que par Dieu. Fuck le chétan, fuck un banquier, fuck un putain de président qui ne veut pas le bien du pays duquel je suis résident. Donc je suis hésitant, car légal ou pas, tout le monde cherche le ralis. Yeah, pas le choix dans société capitaliste. Tu sais poto, la vie c'est loin des comptes féeriques. Comment peut-on être aussi pauvre d'esprit dans un pays riche? En attendant, le soleil me sourit, la nuit me fait la gueule. J'aime une femme, une mère et c'est la seule. T'inquiète pas, je sais qu'elle est ma famille. Je ne monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Le silence parle beaucoup, ferme ta gueule pour le bien d'autrui. J'arrive plus à penser, le silence fait trop de bruit. Je ne monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Tout le monde aime la vanille. Dis-moi comment tu veux construire une relation de qualité. Quand personne veut de la solidité, tout le monde veut de la quantité. Pas d'identité, pas non plus de personnalité. Ils veulent tous en devenir une à tout prix, même sans qualité. Même sans qualification, à cause de l'éducation. Génération, rien pour l'honneur, tout pour la réputation. Mais je me remets en question, je passe à mes accusations. J'envoie des cœurs en émoji, ça diminue mes pulsations. En attendant le soleil me sourit, la nuit me fait la gueule. Une femme, une mère et c'est la seule. T'inquiète pas, je sais qu'elle est ma famille. Je ne monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Le silence parle beaucoup, ferme ta gueule pour le bien d'autrui. J'arrive plus à penser, le silence fait trop de bruit. Je ne monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Tout le monde aime la vanille. Tout le monde aime la vanille. Tout le monde a l'air content. On est là, on accepte et on consent. Non, je suis pas parfait, je suis pas tout blanc, au moins je suis conscient. Tu sais que le ciel soit gris ou bleu, la vie n'est pas rose. Plongé dans le noir, des revoirs rouges derrière les barreaux. Putain, ça rend paro. Vie de ma mère, c'est pas drôle. La vanille a un goût amer. La vie perd son arôme. Donc tous les jours, on barreau. Dans la cage, je me dis nique sa mère. Je leur en veux à la mort. L'enfer est à la mode. Le soleil me sourit, la nuit me fait la gueule. J'aime une femme, une mère et c'est la seule. Je sais qu'elle est ma famille. Je ne monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Le silence parle beaucoup, ferme ta gueule pour le bien d'autrui. J'arrive plus à penser, le silence fait trop de bruit. Je ne monte plus la mer, mais il a un goût de vanille. Tout le monde aime la vanille. Tout le monde aime la vanille. Tout le monde aime la vanille. Tout le monde aime la vanille. Tout le monde aime la vanille. Yeah.